Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea. Entonces verá. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Behind the Mask, The Rise of Lacey Vernon de Scott Glosserman. Make sure you're getting this. Go! Oh, start up! We got film in those cameras, boys. I cannot stand here and let this happen. Don't you get it? We're in this now. We're part of this equation. We're right where he wants us. All of us. Alors avant de commencer cet épisode, je vais profiter pour deux, trois infos et caler un peu d'autopromo aussi, voilà, je suis désolé. Donc déjà, vous l'avez remarqué, on a changé de mois, donc nouvelle intro. Ces phrases qui sont issues du film L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona, dont j'ai déjà parlé. Je trouve cette réplique magnifique, voilà, donc j'ai décidé de la mettre en intro, tout simplement. Ensuite, grosse nouvelle de ma part, puisque j'ai lancé un journal, voilà, avec deux amis. Alors c'est un journal lycéen, du coup la version papier ne circulera que dans notre lycée, mais on a des réseaux sociaux que je vous mettrai dans la description. Le journal s'appelle Et pourtant ça tourne, donc je mettrai tout dans la description. On partagera le PDF en ligne, même si on peut pas vous le donner en papier malheureusement. Et on a une chaîne YouTube qui est pour le coup déjà active, que vous pouvez aller voir. Je vous mettrai aussi les liens en description. On a fait deux interviews, la première c'est moi qui l'ai faite, c'est ma première interview de toute ma vie, donc elle me tient énormément à cœur. J'ai interviewé Sophie Grech, que vous pouvez connaître du podcast Pardon le cinéma, c'est une attachée de presse, voilà. Donc on parle beaucoup de son métier d'attachée de presse et un peu du podcast. Et Romain, qui fait le projet avec moi, a interviewé Nathanaël Kermitz, donc qui parle aussi de son métier de producteur, exploitant, distributeur, voilà, c'est tous les métiers qu'a Nathanaël Kermitz et qu'a le groupe MK2. Et il parle aussi des manières de se réinventer en ces temps de pandémie. Et il parle aussi de sa collaboration avec Xavier Dolan. Donc voilà, allez voir les deux interviews. Je préfère la mienne évidemment, mais celle de Kermit c'est vachement intéressante aussi. Donc voilà, allez voir les deux interviews. Et dernière chose sur Et pourtant ça tourne, parce que je couvrirai pour le journal le BIF, le Bruxelles International Fantastic Film Festival, donc qui se tient cette année en ligne. Voilà, j'aurais bien aimé y aller en vrai, mais bon, Covid. Donc, suivez les réseaux, suivez le Twitter et le Instagram que je vous mettrai dans la description, parce que je tiendrai régulièrement, je mettrai des critiques des films que je vois. Il y aura aussi des interviews sûrement qui vont arriver, parce qu'on m'a proposé de faire des interviews. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, restez connectés. Voilà. Donc, Behind the Mask, The Rise of Lacey Vernon, qu'est-ce que c'est? C'est un faux documentaire qui, en gros, se base sur le fait que, vous imaginez que, en gros, Michael Myers, Freddy Krueger, etc., tous les gros tueurs en série que vous avez vus dans les slashers au cinéma, existent. En fait, ce sont des gens réels, ce sont de vraies personnes. Et donc, une équipe de journalistes étudiants décide d'aller interviewer quelqu'un qui s'appelle Lacey Vernon, qui, en gros, va devenir le prochain tueur, qui va se venger, en fait, parce qu'il y a une histoire... Comme quoi, quand il était petit, en fait, je sais plus pourquoi exactement, j'ai oublié, mais pour quelle raison, il y avait un problème avec sa mère, je crois qu'elle était supposée de sorcellerie, non, je dis de la merde, c'est pas grave, bon bref, elle était accusée de quelque chose, du coup, pour se venger, ils ont pris Lacey et ils l'ont jeté dans un canal, dans une grosse cascade, et donc du coup, ils l'ont laissé pour mort, sauf que Lacey n'est pas mort, et donc en fait, là, il revient pour se venger, voilà. Et compléter son destin, entre guillemets, l'œuvre de sa vie, enfin, il passe tout le film à dire ça. Et donc vraiment, c'est un documentaire, ou un mockumentary, en anglais. Donc c'est un faux documentaire, c'est-à-dire que on suit le mec qui est là, qui fait « Alors oui, j'ai préparé ça, etc. Elle, ce sera ma final girl. Voilà comment je vais les attirer. Voilà ce que je vais faire le soir même, etc. Machin. Voilà comment je vais apparaître. » Enfin, le mec dévoile à peu près tout son plan. Et donc, il y a... Le film peut être décomposé en trois parties. Il y a l'intro, donc qui est vraiment format télé, et qui est l'introduction avec ce que je viens de vous dire, enfin l'histoire de il a été jeté dans une cascade et laissé pour mort, etc. Il y a la partie faux documentaire, et il y a la troisième partie, la dernière, où on y reviendra, où en gros le faux documentaire est abandonné, c'est vraiment de la narration, de la fiction, enfin bref, j'y reviendrai. Alors, c'est un peu, si vous voulez, si je devrais résumer le film, ça va faire très péjoratif, hein, mais j'ai beaucoup aimé, même si, voilà, c'est vrai, en fait, enfin, c'est juste ça, c'est juste que, en fait, c'est un peu le slasher pour les nuls. C'est-à-dire que, C'est un film qui va passer une heure et demie, enfin pas une heure et demie, j'abuse, toute la partie en mockumentary, à vous expliquer ce que c'est qu'un slasher, à vous expliquer les codes du slasher, à vous expliquer ce que c'est qu'une final girl, à vous expliquer, voilà, tout ces genres de choses en fait. C'est vraiment le slasher pour les nuls. Mais là où ça ne dérange pas, c'est que je sens que c'est fait par un mec qui est passionné d'horreur, et qui fait un film sur ce qu'il passionne. Et du coup, moi, ça me passionne. À partir du moment où moi, personnellement, il y a quelqu'un qui est passionné, moi, ça me passionne. Et donc, ce film m'intéresse. Je dirais pas qu'il me passionne. C'est vrai que ça sera un peu quand même exagéré. Mais c'est un film qui m'intéresse énormément. Parce que le mec est passionné, le mec maîtrise super bien son sujet. Donc du coup, c'est un film qui m'intéresse. Alors quand je dis qu'il y a, que le mec est passionné, il y a énormément de références à l'horreur. Je pense à un personnage qui s'appelle Doc Halloran. Donc Doc Halloran, évidemment, Shining. Voilà, tout de suite. Parce que, comment dire, il y a le Doc, c'est le surnom de Danny, donc le petit enfant de Shining, et Halloran, c'est le nom de famille du cuisinier. Donc évidemment que c'est un truc 100% en référence à Shining, pardon, je suis un peu perdu. Il y a aussi une fille dans le truc qui s'appelle Jamie, donc évidemment Jamie Lee Curtis, pour Halloween. Voilà, c'est un film où si vous avez les références, si vous avez les codes, vous allez prendre énormément de plaisir à les décrypter, à les retrouver, même si... C'est vrai que ça fait peut-être un peu redondant parfois. C'est vraiment lassant quelquefois, mais ça va. Et d'ailleurs, toujours sur Halloween, je viens d'y repenser, mais la personnage principale s'appelle Kelly Curtis. Évidemment, Jamie Lee Curtis. Voilà, évidemment. C'est quelques exemples comme ça, je vais pas vous en donner. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références comme ça. Je vais pas vous en donner plus, je vais vous laisser les découvrir. Mais c'est... pour que vous vous rendiez compte à quel point le film quand même joue avec ses références et les maîtrise. Alors il y a un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que pendant toute la partie, quasiment toute la partie documentaire, il y a en fait une vraie volonté d'humaniser le tueur, ce qui arrive très rarement dans les slashers. Si vous voulez, vous regardez Halloween, on vous dit que Michael Myers c'est le mal incarné, et d'ailleurs le mec est increvable, le mec peut se manger un missile nucléaire dans la gueule, il sera encore vivant. C'est incroyable comment le mec, vous regardez Halloween, le mec frôle la mort 14 fois, rien que dans le premier. Hein. Rien que dans le premier, le mec se prend limite 5 balles dans la poitrine, plus un coup de couteau, il va bien, tranquille, ça va. Dans je sais plus dans quel opus, d'ailleurs c'est repris dans la suite de 2018, mais il brûle, il est vivant. Tout va bien. Non mais c'est Michael Myers, voilà. C'est là, il y a une vraie volonté du coup avec ce truc de nous dévoiler en fait les coulisses du plan de Leslie Vernon, de l'humaniser, de montrer que c'est pas non plus un mec, même si voilà, c'est quand même un tueur, voilà, de montrer que c'est pas juste un mec qui est là et qui est un surhomme et que vraiment c'est un homme. Et en fait, c'est marrant parce que il y a des répliques de Leslie Vernon qui présentent en fait le job de tueur, enfin de ce qu'il fait. J'ai dit le job, hein, c'est un lapsus révélateur parce qu'il le présente comme un vrai travail. Donc c'est super intéressant en fait, ça amène une perspective. Évidemment, je dis pas que mettez-vous à tuer des gens, c'est bien. Non, je dis pas ça, bien évidemment. Mais il y a quand même une perspective intéressante qu'on n'a pas dans les slashers classiques, parce que on n'a pas le même point de vue, et ça c'est vachement intéressant et important, la question du point de vue dans ce film. Donc oui, forcément, ce film va apporter une perspective différente sur les slashers. Il va pas, voilà, il y a une vraie partie, c'est drôle, c'est assez assez comique, assez ludique, j'étais pas sûr du mot, mais oui, assez comique, assez ludique. Il y a une vraie partie dans le dernier acte du coup qui est très horreur, d'ailleurs on va en parler, des changements de, enfin des transitions en termes de format, on va en parler, mais donc voilà, c'est vraiment un film qui va vous apprendre. En vrai, si vous avez jamais vu de slasher, c'est limite le film qu'il faut regarder en fait. C'est pas les Halloween et les machins, parce que c'est vraiment un film qui va vous expliquer tous les codes en fait. C'est que si vous avez vu des slashers et que vous en avez vu beaucoup, vous allez prendre du plaisir à dénicher les références, etc. Et si vous avez jamais vu de slasher, bah vous allez apprendre plein de trucs. Donc c'est vraiment un film qui est super cool pour ça, et qui là pour le coup est autant fort du côté documentaire que du côté comédie et horreur. Donc ça, je trouve ça vachement cool. Alors il y a, si je dis pas de bêtises, 3 changements de format. Il y a un premier, genre vraiment scène d'intro, où on est sur le point de vue de Kelly Curtis, donc qui est sa final girl, qui donc du coup, est filmé comme de la fiction, voilà, donc classique fiction. Il y a ensuite la scène après ça, où c'est format télé, donc c'est l'intro des journalistes pour leur reportage. Ensuite s'ensuit toute la partie en documentaire. Et après, retour de la partie fiction suite à un espèce de retournement de situation. Et d'ailleurs, il y a même un twist dans la partie, la dernière partie fiction. Je vais le dire tout de suite. Je vais pas dire le twist évidemment, mais on le sent arriver. On le sent tellement arriver. C'est évident à des kilomètres, mais c'est, voilà, il y a des indices tout le film. Si vous avez l'habitude un peu de reconnaître les twists, vous allez l'avoir, mais vraiment, mais facilement. On le sent arriver à des kilomètres. Donc voilà, c'est quand même un film qui a des défauts, même si c'est très plaisant. Voilà, je tiens à le dire. Mais du coup, oui, pour revenir sur ces changements de format, en fait, c'est super bien fait. C'est-à-dire que, bon bah, la première scène, je la mets à part, je la compte pas, parce que c'est vraiment une espèce d'introduction, après il y a le générique du début. Mais en fait, le truc de... Genre, j'ai été vachement surpris de notamment la transition entre le format télé et le format documentaire. C'est super bien fait, je trouve, c'est super bien géré. J'ai rien envie de dire, en fait, mais juste que ça m'a vraiment surpris, que je m'y attendais pas forcément. Et puis après, il y a la transition entre documentaire et fiction, et donc là c'est assez classique en fait, mais voilà, c'est assez classique mais ça fonctionne et c'est super cool. Et donc ouais, c'est vrai que j'ai pas grand chose à rajouter, quoi, juste que les acteurs, ouais, en fait c'est cool, voilà, c'est vraiment un film cool. C'est moi ce que j'ai mis en avant, ce que j'avais beaucoup aimé en fait, et ce qui m'a fait aimer le film et ce qui fait que je le recommanderais, c'est que c'est très ludique, c'est bien fait, ça maîtrise bien son sujet, voilà. C'est vraiment ce que je mettrais en avant dans le film. Je trouve qu'il y a beaucoup d'inventivité aussi. Bon, la mise en scène, on n'est pas sur du c'est pas du grand cinéma d'horreur, mais ça reste vachement cool et le film arrive quand même à surprendre quelques fois. Donc franchement, pourquoi pas, voilà. Et je trouve qu'il y a quand même une belle créativité, que ce soit, j'aime beaucoup le costume de Leslie Vernon. Il y a aussi un truc avec son comment il s'appelle Eugene, je sais plus si c'est son voisin, son mentor, ou je sais plus exactement ce que c'est, voilà. Mais donc oui, il y a tout un truc avec lui où il y a eu des histoires autour de Eugene, donc c'est super bien fait, c'est super bien, voilà, il y a beaucoup de créativité. Le scénario, pour le coup, ça c'est un vrai point fort, parce que on se fait pas chier, ça dure 1h30 de toute façon, hein. C'est pas très long, c'est bien construit, c'est bien écrit, donc pour le coup, ouais, je vous recommanderais à fond Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Je sais que c'est un film qui avait un peu bidé, et que, comme beaucoup de films, In the Panda a remis au goût du jour. In the Panda l'a beaucoup promu, voilà, et moi c'est comme ça que j'en ai entendu parler d'ailleurs. Alors par contre, je vous souhaite une très bonne chance pour le trouver, parce que moi... Enfin, il est sur YouTube, je sais pas si c'est légal, en tout cas il est sur YouTube. Par contre, il est en VO, pas sous-titré. Donc, personnellement, ça va, je maîtrise l'anglais, donc je peux gérer de VO, pas sous-titré. Après, j'imagine que c'est pas le cas de tout le monde, donc vraiment bonne chance. Il doit peut-être être dispo sur des sites de streaming, je sais pas, même si je voilà. Donc, essayez de trouver, il doit y avoir un DVD aussi. Essayez de trouver le DVD, même si c'est compliqué en cette période, voilà. Donc, essayez de le voir si vous pouvez. Bonne chance pour le trouver, sinon. J'espère que cet épisode vous aura plu et qui vous aura donné envie de voir ce film qui, malheureusement, n'est pas très connu et n'a pas beaucoup marché. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.